Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en voyant défiler sous ses yeux le cortège or et bleu, des fanfares enivrés de soleil, oubliant ses habits, ses pieds nus, dans ses rêves éperdus. Il se prend pour un roi conduisant le sabbat. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant tend ses mains en chantant et devient le copain de tous les musiciens. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant vit son rêve en marchant. Il se prend pour un roi conduisant le sabbat. Et bientôt un enfant, 10 enfants, 1000 enfants l'accompagnent en jouant des cymbales, en entrant dans le bal, en dansant sous des arches de fleurs. Et l'enfant qui sourit à plein feu se nourrit de chansons, comme font tous les anges oubliés du bon Dieu. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant disparaît dans la nuit, et bientôt sur un banc, il s'endort en rêvant. 1 million de cymbales, de feux de Bengale, de fleurs et d'étoiles, d'étoiles et de fleurs. C'est le cœur de la fête qui dort dans son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en rêvant, comme une fleur de faubourg au soleil de l'amour.